tous les deux ? Bien sûr. C'était quoi ? C'était à Fleury au Décat. Ah. Il y a presque une vingtaine d'années de ça. Très joli salon de thé qu'on s'est rencontrés. 18 ans pile. 18 ans, ouais. Ah, c'était, ouais, c'était vraiment la rencontre, ouais. 2003. Incroyable. C'est à l'époque, mes frères sont un stade de fou. Prince tape contre un stade de foot, ouvrir un boîte de genoux. Sans permis, laser mi, tourne en parchemin à Cannes. Entre Rolex et demi, Audemars moins K, ouais. Si j'en veux le journal, t'as Gary Hobson. Moi, je ferai que tes côtés, moi, je n'en chauverai personne. Sérieusement, mon bol est clair, oui, j'ai une soif, t'as les Sahraoui. C'est Mister et la mairie. Demande au Rolf, c'est la HIT, oui. Pétrole, t'as mis, je hais, oui. On est venu cramer la volaille, on va commencer par les wings. Bande de croquettes, formez vos gueules, asseyez-vous. Chez nous, c'est le rap, t'as les bonhommes, c'est qui les cas. C'est vous le shit, nous met des KO. Retour, tire une poêle, les KO. Quand on avait plus de champagne, on se terminait à la Tsingtao. Ou à goût devant la charrue, rébéval, je vis la rue. C'est cagoulé, ganté, que les deux Harpies ont réapparu. Les petits frérots d'à peine 20 ans, puis c'est par le CRB. Savent que tous vont tous s'achètent, sauf la santé et la liberté. Ça hausse les garde-côtes pour garantir leur argent. C'est pas des flics à Miami, c'est des arabes au Kéchal. Y'a merci du Kérim, je sais psy et t'es comme un genre. C'est l'Algérie, c'est le rock, ma deux personnes à non grata. C'est la crème, c'est mystérieux, gata ratatata. C'est par l'OCR, c'est par l'OCR. Sache que tous vont tous s'achètent sauf la santé et la liberté. Y'a des syndics, gros mec et des prolix. Sans permis, les armes, ils tournent en parchemin. Ville des soldats, aussi longue la tête du Titanic. Moi, je ferai que tes côtés, moi, je n'en chômerai personne. Allez dire à mes petits que j'ai un vrai syndic. Les fils d'up sont prises de panique. J'ai ni tête ni queue, je roule, je navigue. Une file de soldats aussi longue la tête du Titanic. Y'a des syndics, gros mecs et des broliques. Dis-leur combien nous tous peut rentrer dans la. On a le tout carré pour percer le métallique. J'suis une carrière à sa mère comme le marché malique. Aller en Grèce, avoir la mer en face. Coca basé sous la presse, au port d'Anvers, ça arrive en masse. C'est vrai que j'suis dans la basse. Mais je m'en bats les côtes, yeah. Je fonce dans le mur, chèque, je vais l'uniquer sa race. On aime le confort et faire des crises de nerfs. C'est qu'on est trop fort et qu'on va ken ta pute de merde. De ma ville, je suis le maire. Enfin, moi et tous mes potes. Une spéciale pour toute belle ville, on dédique à jamais les fiottes. Cécile, Sardaigne, du bénéf, sa peine. Y'a ma belle qui m'appelle, le calibré m'appelle. Oliver Katib m'appelle, c'est nous les grandes d'Europe. Car tout comme Tony, j'ai cicatrisé Athènes. On a le tout carré pour percer le métallique. J'suis une carrière à sa mère comme le marché malique.